perdu entre ce qui compte vraiment et puis ce qu'on nous propose. Dès qu'on obtient ce qu'on veut, on a vite en tête autre chose. Ouais, je vois cette société comme un marécage, des choix illusoires où tout nous est dicté mais camouflé pour avoir l'air de dépendre uniquement de notre bon vouloir, engraissé le plus tôt possible par la pub qu'on nous soumet, qui comme la rouille nous ronge et finalement nous soumet. Nos yeux deviennent rouges, gonflés, plus gros que nos ventres. A-t-on si peur du vide qu'on préfère s'accrocher à des mirages, soif fin tarissable de matière périssable, inintéressante de manière évidente, à condition de faire l'effort de prendre ses distances. Regard batté, le cœur mat, les plaies colmatées par quelques sparadraps de fortune pas à pas. Je me carapade, cet univers qui m'apporte une porte sur moi, c'est mille vestiges peu à peu. Je distance ce lien, je ronge ce contrat social qui me retient. Les schémas m'échappent, ouais, c'est moi qui l'ai là. Je n'ai plus envie de troquer cette ville qu'on me prémâche. Sous les lois d'une jungle économique prévale, mauvais présage pour ceux comme moi qui se prélassent. Marque de l'étau sur les tempes, de l'entonnoir sur la bouche. Je ne veux pas d'empreinte, je veux suivre ma route.